moi-même. Admets que je sois, si tu veux, être comme tu aimes. Admets que tu aimes, si tu veux, que je sois sincère. Ne doute pas de moi, si tu veux, ne pas m'ignorer. Pardonne-moi d'exister. J'ai longtemps marché à tes côtés, marché à t'écouter. J'ai longtemps marché, je suis arrivé, arrivé à penser. Si tu veux connaître l'amour, oublie ses contours. Si tu veux connaître la guerre, alors oublie l'amour. Si tu veux connaître un secret, cherche le discret. Si tu veux connaître le vrai, quitte le concret. J'ai longtemps marché à tes côtés, marché à t'écouter. J'ai longtemps marché et je suis arrivé, arrivé à penser, arrivé à penser. La chance, fais comme tu penses. La vie ne nous fait pas crédit, pense ce que tu dis. Et si tu veux que l'on soit nous-mêmes, admets que nous sommes. Si tu veux que nous aussi on t'aime, pardonne-nous d'exister. Pardonne-nous d'exister. Je ne suis pas un rêve. Tu n'es pas un rêve, pardonne-nous de ne pas être un rêve.